Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 30 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, c'est Martin Pelletier pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Je reçois ce soir Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Martin. Et je le reçois parce qu'il a commis une mauvaise action. Il a encore écrit un livre. Et c'est toujours sur l'immigration. C'est maintenant, je ne sais pas si c'est une obsession ou si c'est spécialité. J'ai écrit plusieurs autres livres sur d'autres sujets que l'immigration, la tyrannie médiatique, et j'ai coécrit avec Paul Emia, avec Michel Geoffroy, la désinformation publicitaire et le dictionnaire de novlangue. Donc il n'y a pas que l'immigration parmi mes sujets de prédilection, même si c'est effectivement un sujet, vous en conviendrez, absolument central, aussi bien du point de vue historique que du point de vue électoral. Bon, c'est vrai d'ailleurs, vous êtes revenu à vos fondamentaux. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Immigration ». Ce n'est pas une chance pour la France, comme feu Bernastasi, mais une catastrophe. Et que faire ? Il y a donc deux éléments. Il y a la catastrophe et il y a que faire. On va traiter d'abord le premier élément, parce qu'on a le sens de la hiérarchie. Et moi, j'ai lu le livre, je l'ai dévoré, je l'ai relu plusieurs fois. Et je me suis dit que c'était avant tout et d'abord un antidote au déni. Parce que quand on a lu ça, on peut pas dire on savait pas, on peut pas dire tout va bien se passer. Non, parce que ça, on pouvait peut-être le dire en 1975, mais aujourd'hui, vous le dites, vous le prouvez, c'est vraiment une catastrophe. Oui. Alors, vous savez, quand j'ai parlé du livre avec Gourevitch, qui a publié plusieurs études sur l'immigration, notamment avec Contribuables Associés, il a frémi un peu à l'idée du titre et il m'a dit avec un point d'interrogation, bien sûr. Et vous avez dit ? Je lui ai dit non, sans point d'interrogation, parce que mettre un point d'interrogation, ça aurait été déjà tromper l'opinion, l'induire en erreur, dans la mesure où il n'y a plus, à mon sens, de points d'interrogation. Je vais vous donner deux exemples très très simples. On parle en France de problème d'insécurité. Il n'y a pas de problème d'insécurité, ou plus exactement, il y a un problème d'insécurité lié à l'immigration. C'est si net que ça. Ah, mais absolument, c'est si net que ça. Écoutez, quelques chiffres. Il y a 6% d'étrangers, au sens juridique du terme, en France. Sans compter les binationaux. On parle de ça après. 18% des détenus. Ça, c'est pas trop grave. Il y a à peu près 10% de musulmans en France. 50% des détenus. Et si on prend dans les prisons, et les prisons quand même sont peuplées de délinquants, c'est une mesure de la délinquance, dans les prisons, les deux tiers des places de prison sont occupées par des étrangers ou des gens issus de l'immigration. Par conséquent, s'il n'y avait que de la délinquance de Gaulois, de Français de souche, bah, ce serait formidable. On pourrait donner aux prisonniers des deux pièces, voire des trois pièces. Voilà. Donc c'est pour vous dire, quand on parle d'insécurité, et notamment ça a été un des biais de la politique française, qui consistait à parler d'insécurité sans jamais voir la source principale. Tenez, un autre exemple. La direction de la police judiciaire a établi une liste des 33 ou 35 bandes de la criminalité organisée en France. Alors, elles sont spécialisées, Ça peut être le trafic de ferraille, ça peut être le trafic de main-d'œuvre, ça peut être la drogue, ça peut être les armes. Bon, c'est prostitution, 35, tout ce qu'on veut. 35 bandes identifiées. Sur ces 35 bandes identifiées, 32 sont étrangères ou d'origine étrangère, maghrébine, balkanique, rome et j'en passe. 32 sur 35. Ouais, heureusement, il y a une bande marseillaise et deux bandes corses qui sauvent l'honneur français. Voilà. Donc, sécurité, non. Donc vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, les délinquants sont souvent non français. Oui, absolument, oui, tout à fait. Et les juges qui l'ont condamné sont vraiment absolument dans le déni de réalité le plus absolu. Alors je prends un autre exemple, on nous dit parfois il y a un problème de communautarisation, il y a un problème de laïcité. Il n'y a pas de problème de laïcité en France. Il y a un problème d'islamisation. D'islamisation qui a d'ailleurs été encouragée par les pouvoirs publics et par les pouvoirs locaux qui ont multiplié les subventions aux associations islamistes, qui ont multiplié les subventions ou les donations de terrain pour la construction de mosquées, et j'en passe, qui ont multiplié les reconnaissances officielles en allant se montrer dans les dîners de rupture du jeûne du Ramadan, etc. Donc voilà, on vous dit, il y a un problème de laïcité en France. Non. Il n'y a pas de problème de laïcité. Mais comment vous la mesurez, cette islamisation ? Comment je la mesure ? Oui. Ah bah écoutez, c'est assez simple. Hein. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de voile dans les rues. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de mosquée, en tout cas pas de mosquée visible. Il y a 30 ans, on abattait les animaux de boucherie en les étourdissant au préalable pour éviter de les faire souffrir. Et pour vous, halal, c'est un véritable problème aujourd'hui ? Aujourd'hui, 50% des animaux de boucherie sont abattus halal, ce qui est quand même monstrueux pour deux raisons. Parce que déjà, c'est un mode d'abattage qui est très contestable au regard de l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'animal. Mais indépendamment de cela, c'est un mode d'abattage qui s'impose bien au-delà des musulmans, à la limite que les musulmans veuillent manger halal. Bon, c'est déjà un premier problème. Est-ce qu'on doit accepter ce mode d'abattage sauvage, très créateur de souffrance pour l'animal, clairement, oui. Créateur de dangers sanitaires ? Bon, est-ce qu'on doit accepter ? C'est une première question. Mais en tout cas, ce qu'on ne doit en aucun cas accepter, c'est que ce mode d'abattage nous soit imposé à nous qui ne sommes pas musulmans dans les cantines d'entreprise, dans les cantines scolaires, dans les restaurants collectifs, dans les plats cuisinés préparés, tout ça est totalement insupportable. Donc voilà deux exemples. Il n'y a pas de problème de laïcité, il y a un problème d'islamisation. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration. Je pourrais multiplier les exemples. Vous donnez un exemple dans le livre, c'est l'aide donnée justement, vous citez un livre qui a très bien marché, d'ailleurs, sur l'aide donnée par les maires à l'islamisation, et notamment par le biais du financement des mosquées. Est-ce que vous pouvez en parler ça, oui, alors il faut bien voir que l'islam s'est développé en France de manière totalement artificielle. Il n'a pas été développé par les fidèles musulmans. Il a été développé par des financements publics qui sont de deux natures très différentes, mais dans les deux cas, de nature perverse, en tout cas nocive. Le financement par des États étrangers, Algérie, Maroc, Turquie, Arabie Saoudite, bien sûr, Qatar, et par les collectivités publiques qui, généralement, ont donné les terrains gratuitement et donnent des subventions indirectement. Mais est-ce que ce n'est pas contraire à la loi de 1905 ? Mais bien sûr que c'est contraire à la loi de 1905, mais hypocritement, on explique qu'il s'agit d'espace culturel. Et à l'intérieur de l'espace culturel, il y a l'espace cultuel. C'est d'une hypocrisie parfaite. Simplement, tous les maires, quelle que soit leur tendance, sauf, je pense, les maires Front National, mais il n'y en a pas beaucoup, ils achètent les voix des clientèles. Ce sont des voix, les voix des minorités ethniques sont des voix clientélisées. Et donc, le maire en place, il va acheter sa police d'assurance électorale auprès de l'imam ou de l'association musulmane, en lui donnant des subventions, en lui donnant des terrains, en l'aidant à bâtir. Et donc, toutes ces mosquées, tous ces centres de prosélytisme se sont développés, soit avec de l'argent étranger, ça c'est une des grandes erreurs, ça remonte à Mitterrand, d'avoir supprimé l'interdiction du financement étranger des associations, et soit par des financements publics. Publics, c'est-à-dire c'est municipaux, le contribuable, municipal et national, parce que les communes, il n'y a que 20% de leurs recettes qui viennent des impôts locaux, le reste, ouais, c'est de la redistribution d'impôts d'État. Et donc, voilà comment tout ça s'est développé. Voilà deux exemples. Et vous faites, j'aimerais que vous en parliez, vous faites un encadré spécial, une espèce de palmarès, pour Alain Juppé, que vous surnommez Ali Juppé. Est-ce qu'il est particulièrement nocif, ce garçon ? Oui, parce que il est dans le super politiquement correct. C'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu la madone des médias. Et donc, il explique qu'il n'y a pas d'identité malheureuse, il y a une identité heureuse, qu'il faut poursuivre dans la voie de l'intégration et de l'accueil. Il a laissé se développer la mosquée Yoïef à Bordeaux. Oui, il est particulièrement nocif, donc je le surnommais Ali Juppé. Ça lui va comme un gant. Mais alors, justement, on saute, hein, on va être très, très, très, très bordélique ce soir, parce que vous avez parlé justement de l'illusion de l'intégration. Parmi les choses que vous demandez qu'on fasse, parce qu'il y a cette deuxième partie, que faire, c'est se débarrasser des illusions. Alors pour vous, il n'y a plus aucune chance d'intégration, c'est ça qu'il faudrait se demander. Non, alors, si vous voulez, je crois que l'assimilation, qui est le modèle républicain traditionnel... Le seul, oui. ...a fonctionné avec les immigrations européennes. Elle a fonctionné avec l'immigration italienne, avec l'immigration polonaise, avec l'immigration belge. Pas toujours facilement, d'ailleurs, mais... Surtout avec les Belges, c'était dur. Elle a fonctionné, pas avec les Belges actuels, par contre, non. Elle a fonctionné aussi avec les Espagnols et avec les Portugais. Voilà. Avec les immigrations européennes qui venaient de pays de culture européenne, généralement catholiques. Bon, elle ne fonctionne plus avec les immigrations qui viennent d'ailleurs, en particulier, parce qu'on ne veut pas traiter tous les sujets, avec l'immigration africaine et avec l'immigration musulmane, ce qui se recoupe en partie avec l'Afrique, puisque certains Africains sont musulmans, noirs sont musulmans, d'autres non. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour trois raisons. Alors, quand je dis qu'elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas pour les masses. Il peut y avoir des individualités qui s'assimile à la culture et à la civilisation française, bien sûr. Mais ce sont des individualités, ce sont des exceptions. Pour la masse, ça ne fonctionne pas. Pour trois raisons, ou quatre raisons. La première, c'est qu'il s'agit de populations nombreuses. La deuxième, ça, c'est ce que disait Giscard en 91, on passe de l'immigration à l'invasion. Voilà, mais Giscard avait raison, absolument. Donc, Nombreuses. Avec un flux continu d'arriver. Et accéléré. Avec le fait que la mondialisation permet le maintien d'un lien régulier avec le pays d'origine. Avec le fait que nous avons dévalorisé notre propre modèle. Nous battons notre coulpe en permanence, ce qui ne donne pas tellement l'intention... De se fondre dans la civilisation. De gens qui ont un peu honte de ce qu'ils sont. Et la cinquième raison, vous voyez, au départ j'en avais deux, maintenant j'en ai cinq, et la cinquième raison, qui est la principale, c'est que l'immigration européenne, elle venait d'une ère civilisationnelle proche, alors que l'ère civilisationnelle noire africaine ou l'ère civilisationnelle musulmane, ce sont des aires civilisationnelles très éloignées. Et donc que la démarche à faire pour rejoindre nos valeurs, notre mode de vie, notre civilisation, est évidemment infiniment plus grande. Voilà. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a 40 ans, on pouvait se poser la question. On pouvait encore avoir un doute. Personnellement, je n'y croyais guère. Je l'ai écrit, donc je l'ai écrit à l'époque, donc je le redis maintenant. Mais il pouvait y avoir débat. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir débat. Et je veux dire, on ne peut plus proposer raisonnablement, on ne peut plus proposer raisonnablement dans quelque programme politique que ce soit, l'assimilation. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas marcher, sauf, encore une fois, pour quelques individualités pour lesquelles il n'y a pas de raison de fermer la porte. Mais ça ne peut pas être une solution globale. Et ce qu'on appelle l'insertion ou l'intégration, suivant le cas, qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce que ça peut fonctionner? En gros, l'insertion ou l'intégration, ça consiste à vivre comme chez soi, chez les autres. Alors évidemment, ça peut marcher d'un certain point de vue. Oui, il y a insertion à Molenbeek, tout à fait. Oui. Soit dit en passant, Molenbeek, c'est intéressant parce qu'on a expliqué pendant des années, ce qui était d'une stupidité sans nom, que le problème venait, entre guillemets, des grands ensembles, ce qui était d'une stupidité sans nom, parce que dans les années 60, les Français qui vivaient dans les grands ensembles étaient très heureux d'y être, parce qu'ils avaient des logements plus grands, ils avaient plus de lumière, ils avaient plus d'espace, que les logements, que la vie était heureuse. Je raconte ça d'ailleurs dans le livre, c'est une petite anecdote. Sur Villeneuve-la-Garenne, où il y a un ensemble qui s'appelait la Caravelle, qui fait 800 mètres de long. Gens qui ont vécu, quand ils y sont installés dans les années 60, ils y étaient heureux. Et aujourd'hui, évidemment, on a coupé la Caravelle en 3, en 4, on a fait des tas d'investissements. Ça ne change rien, puisque ce qui fait la vie d'un quartier, ce n'est pas les habitations. Ce sont les habitants. Voilà. Et je dois rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas bien la capitale belge que Molenbeek, les logements sont très bien, c'est assez joli. Ça n'a rien de désagréable. Une belge avec des immeubles de 2-3 étages, oui, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que c'est habité par des islamistes. Voilà. Ce qui est particulier, voilà. Je rappelle donc que vous êtes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée et que je rappelle ce soir, que je reçois ce soir Jean-Yves Le Gallou pour son livre « Immigration, la catastrophe, que faire ?» Alors, une petite annonce qu'on me demande de passer. Nous invitons les auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre à la basilique d'Argenteuil, afin de prier devant la Sainte Tunique du Christ, adresse 17 rue des Ouches, 95 100, Argenteuil. Alors par la SNCF, c'est la ligne J. Et puis voilà, sinon c'est le bus 140, arrêt Pont d'Argenteuil. Inscription pour groupe, téléphone au 01 39 61 25 70. Je répète, téléphone 01 39 61. 25 70. Alors, Jean-Yves, on va continuer quand même à peut-être lister les effets ou les domaines de la grande catastrophe. On vient de parler de l'islamisation, on vient de parler de la délinquance, mais justement, puisque vous évoquez l'immense distance entre les civilisations, je voudrais que vous nous disiez si ça a une incidence sur le système scolaire. Est-ce que, là, par exemple, c'est une catastrophe pour le système scolaire ou non? Oui, alors, c'est une catastrophe pour le système scolaire qui se surajoute, bien évidemment, à la catastrophe de la politique des pédagogues, ou plus exactement des pédagomanes, mise en place depuis 40 ans, avec, pour faire simple, deux axes principaux, la rupture de toute chronologie dans l'enseignement de l'histoire, et le maintien contre l'évidence, compte tenu de sa nocivité, des méthodes globales ou semi-globales, ce qui revient à peu près au même, d'enseignement de la lecture. Donc il y a des raisons évidemment pédagogiques à la crise scolaire, mais et idéologiques, on peut bien le dire aussi. Bien sûr. Absolument. Mais l'immigration est un facteur suraggravant. C'est un facteur suraggravant. Pourquoi ? Parce que, notamment, c'est un facteur d'éviction de la vocation d'enseignant. Pendant très longtemps, la profession d'enseignant était considérée. Il y avait un certain nombre de gens qui avaient la vocation d'enseigner, qui enseignaient et qui le faisaient avec plaisir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aura la vocation d'enseigner et qui renonce à enseigner parce qu'ils ne veulent pas travailler dans les cités de l'immigration. Mais ça, vous dites ça, mais vous le savez comment ? Alors, je vais vous le dire. D'abord, on observe que, curieusement, il y a plus de candidats pour être professeur des écoles que pour être professeur des écoles, c'est-à-dire enseignement, instit, maître, enfin bref, que pour être professeur en collège ou en lycée. Ce qui est un peu curieux, puisque, a priori, c'est plutôt plus valorisant d'être professeur en collège ou en lycée. Bien. Mais il y a une raison très simple. C'est que quand on est professeur des écoles, on est affecté à un département. Et puis ils sont plus petits, peut-être, aussi. Ils sont plus petits, effectivement, et on est affecté à un département. Tandis que quand on est professeur, on est affecté nationalement, on est affecté dans une académie. Et donc, il y a une perte de vocation. Alors, il y a eu un rapport officiel de l'Éducation nationale fait par 9 inspecteurs généraux. Inspecteurs généraux de l'Éducation nationale ou inspecteurs généraux de l'administration de l'Éducation nationale. Donc la crème de la crème du ministère de l'Éducation nationale. Et ils ont découvert cette vérité que le problème pour recruter des professeurs, c'est qu'ils ne voulaient pas, les étudiants craignaient d'être affectés dans l'académie de Créteil. L'académie de Créteil. Pourquoi Créteil ? Et pourquoi Créteil ? Parce que Créteil, c'est la banlieue du Val-de-Marne, oui. Et c'est la Seine-Saint-Denis. Et donc, évidemment, le rapport est quand même convenable. On ne dit pas, ils ne veulent pas enseigner devant les chères têtes brunes ou les chères têtes noires. On dit, ils ne veulent pas aller, bon sang, dans l'académie de Créteil. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de fuite, d'éviction. Si on a du mal à recruter les professeurs... eh bien, c'est à cause de ça, à cause de l'immigration. Et alors, ce qui est absurde, c'est que comme personne veut aller à Créteil, et comme parmi les nouveaux, personne ne veut aller à Créteil, il n'y a pas de nouveaux. Voilà. Alors, il y a d'autres effets pervers, évidemment, sur la carte scolaire, puisque les parents un peu avisés, eh bien, évidemment... soit fraude à la carte scolaire, ce qui est de plus en plus difficile, soit scolarise dans le secteur privé. Soit des ménages. Soit des ménages, voilà. Mais ça coûte cher. Et alors, on a des villes où l'immobilier peut varier de 25%, le prix de l'immobilier peut varier de 25 à 30%, suivant que vous êtes sur le côté bagneux ou sot. Alors, expliquez quand même Bagneux et Sceaux pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France. Si vous êtes à Bagneux, alors la rue, c'est la même des deux côtés. Oui, bien sûr. Si vous êtes à Bagneux, vous allez être dans un collège... diversité. Univers Neruda ou diversité. Si vous êtes à Sceaux, vous allez être dans un collège où il y aura un peu moins, entre guillemets, de diversité. Diversité, donc, je vois. Alors, si vous voulez, ça pose un problème, bien sûr. Parce que les familles, surtout lorsqu'elles sont nombreuses, comment elles font pour payer des logements 30% plus cher. Voilà. Et le plus terrible, c'est que, évidemment, la politique du gouvernement consiste non pas à assouplir la carte scolaire, que je crois d'ailleurs M. Sarkozy avait promis de supprimer, me semble-t-il. Il a promis beaucoup de choses. Mais non pas à la supprimer, mais évidemment à renforcer encore ses contraintes. La limite du dispositif, c'est ce que les États-Unis avaient connu avec le busing, où on prenait les enfants blancs pour les amener dans les écoles noires et réciproquement. Cela dit, cette carte scolaire, elle est valable pour tout le monde, sauf précisément pour les mises. Je vous donne un exemple. De Madame Pellerin. Voilà, alors, oui, je raconte l'anecdote. Lorsque j'étais à l'inspection générale d'administration du ministère de l'Intérieur, il y avait un collègue qui se flattait de ne pas me serrer la main, ce qui sans doute lui procurait un brevet de résistance pour courageux, en ville tout à fait remarquable. Bon, il se trouve que lors d'une réunion... de ce corps, on s'est retrouvé, vous savez, il y a toujours, comme dans les entreprises, il y a des réunions un peu conviviales. Je me suis retrouvé à table à côté de lui. Il a d'ailleurs été charmant, on a discuté. Et comme il avait des enfants, je lui ai demandé, comme ça, négligemment, où les scolarisait-il. Alors, il m'a dit, c'est à Vincennes, c'est très bien. Et d'ailleurs, Fleur Pellerin, qui habite Montreuil, à l'époque, elle n'était pas encore ministre, elle ne l'est plus aujourd'hui, vous me direz. Les scolaristes, parce que quand même, on n'allait pas... à Montreuil, la plus grande ville malienne de France, voilà, du monde. Donc, ça, c'est bon pour les autres, voilà. Hein. Ah oui, c'est très bien ça. Voilà. Mais alors, Et donc, si vous voulez, bien sûr, le problème de l'immigration, c'est que c'est un phénomène imposé au peuple et aux classes moyennes par l'oligarchie dirigeante qui n'en a que les avantages, c'est-à-dire de la domesticité à bon marché, ou des gens qu'on paye pas cher dans les arrières-salles des restaurants, mais qui n'en a pas les inconvénients, puisque elle s'en protège dans son habitation et dans l'école de ses enfants. Alors, il y a un encadré qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous citez une rectrice. Pourtant, ce sont des gens qui prennent des précautions, hein, oui. Et qui, en fait, elle mange le morceau. Elle avoue que l'immigration plombe le niveau scolaire. Oui. Alors, oui, absolument. Alors ça, c'est un aveu. C'est assez intéressant de voir effectivement. Vous savez que la France recule régulièrement. Par rapport au classement PISA. Hein, qui PISA mesure, ou PIRLS aussi, alors il y a plusieurs classements. Qui mesure les niveaux, ouais. Soit en lettres, soit en sciences, soit en mathématiques. Elle recule, et pendant très longtemps, je ne sais plus si c'était le cas, le pays qui restait en tête, je crois qu'ils ont reculé un petit peu, c'était la Finlande. Qui est un des pays les plus protégés de l'immigration en Europe. Notamment en raison de leur langue qui n'est pas à la portée de... Si vous parlez le finnois, vous êtes costaud. C'est une langue finno-ugrienne, c'est pas simple. Voilà, hein. Voilà. Et en plus il fait froid, parce que la Norvège, où il fait quand même pas particulièrement chaud, a maintenant 30% de population immigrée, en tout cas à Oslo. Oui, et alors donc, c'est vrai que la France recule, et que, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette dame, qui est rectrice... Elle a dû être mutée depuis. Oui, elle est peut-être plus rectrice. Oui, hein. Oui, non, elle ne doit plus être rectrice. Non, non. Et elle a dit, bah oui, on a des problèmes, mais c'est à cause de l'immigration. Ça n'empêche pas que ça montre bien une certaine inadaptation, peut-être, à nos modes de pensée de ces populations venues d'ailleurs. Ajoutons à ça le handicap de la langue, le handicap culturel. Bon, l'alphabet, tout simplement. Et puis peut-être le refus d'un système considéré comme imposé de l'extérieur. Donc quand on ajoute tout cela, eh bien, on arrive au problème qu'on connaît aujourd'hui de l'éducation dite nationale. Eh bien, merci Jean-Yves. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie avec Martin Pelletier. Martin, je suis pour le libre journal de la liberté surveillée, que je reçois Jean-Yves Le Gallou pour son livre « Immigration, la catastrophe, que faire ?» Et là, c'est le moment de lire quelques interventions d'auditeurs. Alors, c'est une dame qui nous dit, en tant qu'enseignante à la retraite, vous avez constaté l'arrivée de beaucoup d'enseignants d'origine maghrébine dans la banlieue parisienne. Peut-être qu'ils sont particulièrement adaptés au milieu. L'abattage halal est interdit par les lois françaises et par Bruxelles. Il a fallu une dérogation pour satisfaire la demande d'étrangers qui viennent en France, ce qui est inadmissible. Mais halal, pourquoi ? Parce qu'il faut payer une taxe d'environ 50 centimes du kilo pour l'imam. Pourquoi pas donner la même prime aux évêques chrétiens ? Qu'ils ont pensé ? Moi, je ne serais pas tellement pour leur donner des primes. Non. Ils n'en méritent pas actuellement. Enfin, ça dépend lesquels. Il y a aussi... Alors, on parlait tout à l'heure... Peut-être un point sur le halal, oui. Si vous me permettez. C'est pire que ça. C'est contraire au règlement. Oui. Et c'est appliqué de manière massive. Les dérogations sont massives, comme je l'ai dit, 50% des animaux. Et il y a eu des pressions considérables pour rendre impossible l'étiquetage. Parce que vous ne savez pas comment a été abattu. D'où ça vient ? La traçabilité n'est pas... Pour une raison très simple, il y a eu de débats assez vifs au Parlement européen, oui. Et le gouvernement français et les députés français, en dehors sans doute de ceux du Front National, ont agi pour qu'il n'y ait pas d'étiquetage, et ça s'est noué à l'occasion d'une réunion, d'une rupture de jeûne, avec le ministre de l'Intérieur, à l'époque Sarkozy. Hein, à l'époque Sarkozy, je pense que c'est Hortefeux qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, reçu à l'occasion de la rupture du jeûne par le président du CFCM, en présence du président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et ces deux personnalités se sont félicitées de leur alliance et ont exercé une action conjointe sur le ministre de l'Intérieur pour que les règlements de Bruxelles n'imposent pas l'étiquetage. C'est la défense de la souveraineté nationale, en quelque sorte. Ah oui, on peut dire ça comme ça, oui, alors là, vu comme ça, oui, effectivement. Faut être optimiste. Vous savez, Martin Pétier, personnellement, j'attache davantage d'importance à la souveraineté qu'à l'identité, parce que je préfère le contenu de la cruche, c'est l'identité. Ah, vous voulez dire l'identité à la souveraineté. À la cruche qui est la souveraineté. La cruche. Ah, vous visez certains souverainistes, peut-être, avec cette... Oh, ben, j'ai eu un débat qui passera sur Radio Courtoisie avec Jacques Sapir, qui était tout à fait courtois, mais qui passera, je crois, le 13 avril sur les ondes de Radio Courtoisie, à 21h30, qui était très courtois, mais chacun étant quand même ferme sur les prix. D'accord. Eh bien, c'est bien. Il faut que chacun dise ce qu'il a à dire. Monsieur Le Gallou, j'ai travaillé à un abattoir toute ma vie. Les animaux qui sont stressés ont une viande dure lorsqu'ils sont morts et abattus dans l'optique halal. Dans l'optique, non, mais halal. Oui, c'est même pour le goût. Et pour le, ça oui, n'est pas oui, bon. Oui. Non, absolument. Alors, il y a un travail remarquable qui est fait, je le dis aux auditeurs que cela peut intéresser. Il y a un travail remarquable qui est fait par l'association du docteur Peretti, qui est un vétérinaire, vigilance halal. Voilà, donc les personnes qui s'intéressent à ce sujet peuvent aller sur ce site et soutenir cette association qui fait un travail tout à fait remarquable, très bien documenté. Lorsqu'un Africain réussit exceptionnellement son assimilation, les médias ne nous montrent que lui. Il ne retourne pas en Afrique aider ses congénères pour le développement de son pays d'origine. Alors, il y a une chose, effectivement, qui est vraie, c'est qu'il est dommage que ceux qui ont bien réussi ne retournent pas chez eux aider leur pays d'origine. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui réussissent sans que les médias se bloquent sur eux. C'est toujours sidérant l'imbécilité des Français, c'est vrai, c'est tout à fait bah vrai. Oui, mais les Français, si vous voulez, ce qui est sidérant, c'est sidérant, c'est parce qu'ils sont sidérés. Ils sont sidérés par l'ahurissement médiatique permanent. Alors, on repart sur les terroristes un petit peu. On n'en a pas parlé, mais on a un peu parlé de Molenbeek et un lecteur qui est peut-être un auditeur qui est peut-être belge nous dit qu'il y a d'autres communes comme Anderlecht, Saint-Josse, Jette, Schaarbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Forêt. Oui, bien sûr, Molenbeek n'est pas la seule commune malheureusement islamisée à Bruxelles et en Belgique. Dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, un article intitulé « Chrétiens d'Orient au compte-gouttes » dit qu'on leur impose trois conditions draconiennes pour les accepter. Alors là, je n'ai pas d'informations sur la question, c'est relatif alors, à l'accueil les, des migrants. Il y a un certain nombre de chrétiens d'Orient, de Syrie ou d'Irak qui ont pour démarche, ou qui sont parfois au Liban, de passer par le consulat français au Liban. Et c'est effectivement ce qui est la démarche normale pour obtenir l'asile politique. Et effectivement, on leur donne au compte-gouttes. Oui. Au compte-gouttes, oui. Tout à fait, oui. Oui, parce qu'en fait, ils respectent les règles. Ils sont foutus. On n'a pas idée. Ils sont chrétiens. Deux, ils respectent. Et ils parlent peut-être français en plus. En matière de droit d'asile, indépendamment effectivement de ces personnes persécutées, il y a deux personnes qui aurait mérité le droit d'asile en France. Oui. C'est Snowden, Edward Snowden. Oui. Edward Snowden a dénoncé le système d'écoute mondialisée générale de la NSA américaine, donc des services américains. Et l'autre personne, c'est Julian Assange, qui est le créateur de Wikileaks, qui a révélé quand même un certain nombre de pratiques... De pratique des puissances dominantes. Bon, les deux ont demandé l'asile politique à la France, ce qui était parfaitement justifié. Aucun des deux ne l'a obtenu. Snowden a obtenu l'asile politique de la Russie, qui, à de nombreux égards, est un pays plus libre que la France. Assange est toujours enfermé dans quelques mètres carrés de l'ambassade d'Équateur à Londres. Voilà. Et la France a refusé l'asile politique. Et même, s'agissant de l'un d'entre eux, quand on a soupçonné qu'il pouvait se trouver dans l'avion d'un chef d'État étranger, on a détourné l'avion du chef d'État étranger pour ne pas avoir le risque survoler, oui. Le survoler. Voilà. Et après, français. On vient nous dire que n'importe quel va-nu-pied qui franchit les frontières violemment entre la Grèce et la Macédoine a sa place en France comme réfugié. C'est vraiment... Le mot réfugié politique est totalement galvaudé puisqu'on ne l'accorde pas à ceux qui devraient l'obtenir. J'ai cité Assange, j'ai cité Snowden, sans doute un certain nombre de chrétiens d'Orient qui le demandent par les voies normales. Ça, ceux-là, ils n'y ont pas droit. Par contre... n'importe quel va-nu-pied entré clandestinement ou à Calais a droit aux égards des CRS qui s'écartent pour les laisser envahir les ferries, comme on l'a vu. Il y a des images de télévision ahurissantes où on voit les CRS laisser passer, passer messieurs. Est-ce que vous lisez Tintin ? Non, parce que ça me fait penser à la première vignette de Tintin en Amérique où on voit un policeman au garde à vous qui salue un gangster avec un grand foulard sur le nez, avec une pétoire encore fumante à la main. C'est exactement ça, c'est les forces de l'ordre qui se mettent au garde à vous devant le désordre. Oui, ouais, absolument. Voilà. Mais qui savent être très répressives quand il faut. Quand il le faut, puisque ces mêmes forces de l'ordre étaient casquées, bottées, transformées en Robocop, quand il fallait arrêter le général Picmal, ou un sous-officier. C'est un homme dangereux, il a quand même commandé la Légion. Oui, donc, ou les identitaires, oui, mais alors ils ne supportent pas une garde à vue de 24 heures, c'est un peu dommage quand même. Bon, oui, voilà. C'est autre chose. Le courage physique n'est pas forcément le courage politique. Non, alors il paraît. On m'a raconté, mais je n'ai pas entendu directement de la bouche du cheval, si j'ose dire, qu'il n'avait pas compris que pendant la garde à vue, les policiers n'éteignent pas la lumière dans sa cellule. Voilà, bon, enfin, on découvre tout. Hein. Oui, alors on va revenir maintenant, après ces digressions, à la catastrophe. Et vous parliez tout à l'heure des travailleurs, ou plutôt des cuisiniers, venus d'ailleurs, qui travaillent pour pas cher dans les cuisines. Et ça, c'est très parisien. Oui, alors justement, j'allais dire quand même, il y a une chose qui reste vraie, c'est que les immigrés prennent le travail dont ne veulent pas les Français. Non, dont ne veulent pas les Français, aux conditions où on leur propose. Voilà. C'est-à-dire que... Je crois que le problème, il faut bien comprendre, le problème économique principal au regard de l'immigration, il est double. Nous avons un système social extrêmement protecteur qui assure donc un minimum de revenus indépendamment du travail ou non. C'est le système des minima sociaux. Mmh. Et dans le même temps, on fait venir en permanence ou on laisse venir en permanence une main-d'œuvre nouvelle, nombreuse, précarisée quand elle est clandestine, qui est prêt à être payé au niveau de ses minima sociaux, voire en dessous de ses minima sociaux. Et donc, on crée la trappe à chômage. La trappe à chômage, l'une des causes majeures, il y en a plusieurs bien sûr, mais l'une des causes majeures du chômage en France, c'est la conjonction d'un système de protection sociale fort, élevé, avec l'ouverture des frontières. Si on voulait être cohérent, si nos gouvernements étaient cohérents, ils diraient, d'accord, on ouvre les frontières, mais on supprime les minima sociaux. Mm-hmm. Alors là, on est dans le... C'est vraiment dans le sauvage, mais c'est le cohérent. Où on dit, on maintient notre système social, mais on ferme les frontières. En soi, moi, je dois dire, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il y a des fois des discours politiques sur le SMIC. Oui. Voilà, est-ce qu'il faut élever le SMIC parce qu'il est vraiment trop bas, que c'est difficile de vivre pour les sommes du SMIC en région parisienne, ce qui est parfaitement vrai. Ou est-ce qu'au contraire, on va vous dire, bah, faut supprimer le SMIC parce que le SMIC, c'est une atteinte à la liberté du marché de l'emploi et ça crée du chômage. Je crois que la vérité, c'est que qu'est-ce qui maintient le SMIC très bas ? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a dans la pratique beaucoup de gens payés en dessous du SMIC avec des stages, des ou trucs, tout simplement des tas de trucs. La clandestinité, des tas de trucs. Bah, c'est qu'il y a une main-d'œuvre très abondante pour un certain nombre de tâches et qui se renouvelle en permanence. Ce qui se renouvelle en permanence. Je vais vous prendre un autre exemple. On nous a dit, au moment la vague du chaos migratoire, de l'invasion migratoire, on nous a dit « l'Europe a besoin de main-d'œuvre ». Mais on découvre en même temps qu'à Molenbeek, 50% des jeunes, sont au chômage. Alors, il y a quand même un problème. On a besoin, parce que qui vient d'ailleurs, ce sont des jeunes. Les migrants, entre guillemets, à part dans les images de l'AFP, où c'est des femmes, des enfants, des vieillards. Ils arrivent quand même à en prendre quelques-uns. Dans la réalité, ils sont de bons reporters. Dans la réalité, les migrants. Ce sont des hommes. Des jeunes hommes. De 20 à 35 ans. C'est ça, et des hommes 80%. De 20 à 35 ans, qui glandent rien, il y en a partout dans les banlieues françaises et belges. Alors il y a quand même un problème. Il y a aussi d'ailleurs des jeunes français ou des jeunes belges d'origine qui sont toujours mal, mais moins quand même. Je cite dans ce livre des statistiques qui sont quand même tout de même terribles, qui montrent que le taux de chômage est plus élevé que pour les étrangers que pour les Français, et que le taux de chômage des enfants d'immigrés est plus élevé de double que le taux de chômage des enfants de Français. Enfin, ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Parce que le taux de chômage, le clivage, il n'est pas entre Français et immigrés. Il est entre Français d'un côté et immigrés d'origine européenne de l'autre, et étrangers et enfants d'étrangers d'origine non européenne de l'autre. Le rapport, il est de 1 à 2. Et les parents étaient deux fois plus chômeurs, les enfants sont deux fois plus chômeurs. Donc, ça perdure. L'intégration ne se fait pas. On peut dire, on observe des phénomènes comparables dans des pays qui ont des systèmes sociaux, économiques, politiques très différents. Je pense à la Grande-Bretagne. Ah oui, ça n'a rien à voir. La Grande-Bretagne, c'est extraordinaire, parce qu'en Grande-Bretagne, on a le droit de faire des statistiques ethniques. Heureux pays. Ils sont en liberté surveillée, mais un peu moins que nous. On fait des statistiques ethniques en Grande-Bretagne. Alors, ils ont fait des statistiques ethniques sur le chômage, la réussite scolaire, la délinquance. Chômage, réussite scolaire, délinquance. Et alors, quels sont ceux qui réussissent le mieux? Quels sont ceux qui réussissent le plus mal? Et dans quel ordre? Ils considèrent quatre catégories. Ouais. Les Anglais, de souche. Mm-hmm. Les Indiens, les Hindous. Les Pakistanais, les Jamaïcains. Et qui réussit le mieux, moins de chômage, plus de réussite scolaire, moins de délinquance? Les Anglais. Qui réussit le plus mal, plus de chômage, plus de délinquance, plus de, moins de réussite scolaire? Les Jamaïcains. Et entre les deux, on a les Pakistanais et les Indiens. Les Indiens, les Hindous. Sauf que les Hindous, il y a moins de différence entre les Hindous et les Anglais qu'entre les Hindous et les Pakistanais. Ce qui est intéressant, parce que ça montre, indépendamment des phénomènes de différence raciale, encore qu'il y ait des choses là aussi à nuancer, ça montre l'importance des différences culturelles. Culturelles. Et donc, on voit ça en Angleterre, qui est un pays qui a un modèle économique totalement différent du nôtre. Ça, c'est effectivement à part. Mais je reviens à ma question, quand même. Et on le voit dans certains restaurants, et pas seulement dans certains restaurants, il y a... Alors, vous allez m'expliquer ça, ou vous n'allez pas me l'expliquer. Pourquoi à Paris, en région parisienne, eh ben, il y a très peu de Français de souche pour faire les petits boulots. Ces petits boulots, pas très bien parce payés. Parce que, si vous voulez, c'est impossible de vivre décemment à Paris avec des petits boulots mal payés. Et en plus, si vous voulez, il est évident que c'est un domaine où il y a beaucoup de clandestinité. Et l'avantage du clandestin, c'est qu'il est mobile, il n'est pas revendicatif. Quand il est malade, il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de souplesse. Et comme on est dans un système de concurrence, eh bien, celui qui n'applique pas ce système de concurrence, il est pénalisé. Mais alors, si je vous écoute bien, qu'on est à 150 km de Paris, même pas 150 km de Paris, vous allez à Fontainebleau ou à Rambouillet, vous êtes déjà dans un univers différent. Besoin d'aller très loin. C'est le noyau central. Oui. Le noyau central de l'immigration, ouais. Je dirais, le sauvage, à ce moment-là, et du libéralisme sauvage. Alors, on va repartir sur quelques, parce qu'il y en a beaucoup, il faut les traiter. Alors quelqu'un me dit que la disparition de la France ne sera que justice. Ouf. Je ne sais pas s'il faut parler de justice. Qu'est-ce que... Ça veut dire, certes, probablement, mais alors c'est anticipé. Ça ne sera pas volé, quoi. Ça ne sera pas volé. Ouais, ça veut dire que là, on fait beaucoup de bêtises. Oui, enfin, mais d'accord, mais c'est une génération qui va sacrifier 80 générations qui ont précédé et toutes celles qui auraient pu suivre. Et c'est quand même un peu grave. Et ça, je voudrais quand même vraiment condamner cette façon de voir les choses. Et vous avez peut-être condamné aussi le titre du livre de Éric Zemmour, Le suicide français. Donc, c'est pas un suicide, c'est un assassinat. C'est un assassinat, et ouais. Vous en donnez, on y viendra tout à l'heure. Ouais. Des exemples d'assassinats, c'est épouvantable. Remercier de bien souligner, c'est bizarre comme syntaxe, que c'est Sarkozy président qui, en septembre 2007, a fait voter la suppression de la soi-disant double peine, ce que Jospin n'avait pas osé faire. C'est vrai. L'immigration a des conséquences sur le commerce. Les Chinois et les Japonais ne veulent plus venir à Paris. C'est vrai, c'est un peu vrai. C'est une question d'insécurité. Paris n'est pas sûr et Paris est sale et les touristes viennent moins qu'avant. On a beaucoup baissé dans le palmarès des villes les plus cotées. Alors, Monsieur Le Gallou, le 11 mars 2016, il n'y a pas longtemps, j'ai vu place du Châtelet une vingtaine d'immigrés illégaux qui réclamaient des papiers et avaient bloqué les circulations pendant 10 minutes sous la protection de la police. Ah, c'est oui, vrai ça ? Oui, ça c'est très fréquent. C'est très fréquent, oui. Les manifestations de clandestins se font sous la protection de la police. C'est quand même extraordinaire. Ce qui a été extraordinaire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est là qu'on voit le traitement médiatique des choses. Quand il y a eu la manifestation identitaire à Calais, oui. Où ils ont été 130 à bloquer deux ponts, tous les médias ont communiqué, exactement comme la préfecture et le ministère de l'Intérieur, sur le thème « C'était une manifestation non déclarée ». Ah ! Ça, c'est grave ! Faire une manifestation non déclarée à Calais, alors qu'il y a tous les jours 10 000 types qui manifestent dans tous les sens, qui n'ont rien à faire sur le territoire. Mais non, là, il y avait 130 manifestants identitaires, une manifestation non déclarée. On a quand même condamné des types à de la prison ferme. Le préfet est sans pitié. Ah, oui. Alors, je crois qu'on vous fait un mauvais procès, là, Jean-Yves. Vous allez me dire, Monsieur Le Gallou, Créteil se situe dans le Val-de-Marne, personne n'a dit le contraire, et non dans la Seine-Saint-Denis. Oui, mais l'Académie de Créteil a, dans son ressort, précisément le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. C'est ce qui avait déjà été dit, donc il n'y a pas de rectification à faire. Émission très intéressante, très bien, merci. Le Figaro de samedi donne les causes du mal. On se pose des questions sur les causes de l'immigration. Il écrit « Nous payons aujourd'hui le prix de notre aveuglement. Que pensez-vous de cette réflexion ?» Ben, je pense que c'est pas à vous qu'il faut le dire. Si justement vous introduisez votre livre sur un dossier du Figaro hors série à l'époque qui prouve que tout le monde n'était pas aveugle. En 85, justement, le Figaro, pas hors série, magazine avait fait paraître... Le Figaro magazine a fait paraître un dossier absolument remarquable. Il faut quand même savoir que quand le Figaro magazine publiait des dossiers absolument remarquables, le Figaro quotidien était généralement assez critique. Et que le Figaro magazine a été voué aux gémonies pour avoir publié ce dossier, ou préfacé par Jean Raspail, et où les démographes Boursier de Carbon et Gérard-François Dumont prévoyaient qu'en 2015, 36% des naissances en France ne seraient pas d'origine européenne. C'est exactement le chiffre qui a été trouvé. Alors, dites-nous. Tout le monde leur est tombé dessus. Et cette espèce d'icône du souverainisme qui est Seguin a dit, avec un air un peu méprisant, je ne lis dans le Figaro magazine que les mots croisés. Eh bien, je crois le gros cochon. Oui, je crois que les souverainistes à l'époque auraient mieux fait de lire autre chose dans le Figaro magazine que les mots croisés. Ils auraient mieux fait de regarder les études de fond qui étaient publiées et qui ont prévu la réalité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et alors justement, là, il faut absolument le dire, il y a énormément, je recommande la lecture de ce livre qui est une mine, hein, mais il y a un encadré qui est vraiment passionnant. Comment sait-on que, justement, 36% des naissances ne sont pas d'origine française de souche? Voilà, européenne, oui. Alors, si vous voulez, il y a une maladie génétique rare qui s'appelle la drépanocytose, qui touche les populations, enfin qui peut toucher les populations d'origine africaine, caraïbe, sud-américaine, moyenne-orientale, maghrébine, africaine et indienne. Bon. Et ce dépistage de la drépanocytose a été introduit en France à la fin des années 90, d'abord en Île-de-France, et il a été généralisé à l'ensemble de la France en 2000. En 2000, on dépistait 20% des nouveau-nés. En 2015, on a dépisté 36% des nouveau-nés. Ça veut dire, qu'en 2025, si les courbes se prolongent, sauf événement majeur, accélération ou au contraire régression du phénomène, 50% des naissances en France, des nouveau-nés en France, ne seront pas d'origine européenne. Voilà, voilà les faits. Et en Île-de-France, alors, c'est quand même... Et combien en Île-de-France, c'est 66%. Aujourd'hui ? Les deux tiers, aujourd'hui. Ça veut dire, grand remplacement est un fait. Il est effectué dans les maternités d'Île-de-France et il est en train de s'effectuer dans les maternités de toute la France. Et les hommes politiques, quels qu'ils soient, ou les journalistes, quels qu'ils soient, qui disent que le grand remplacement est un fantasme, ne regardent pas les faits. Les faits, il y a un double grand remplacement. Il y a un grand remplacement démographique, le voici tel qu'il est décrit, tel qu'il est connu dans les statistiques. Alors évidemment, il y a une méthode actuellement... On y viendra, mais pour l'instant, ce fait est établi. Par conséquent, il y a le grand remplacement démographique, il y a aussi le grand remplacement civilisationnel, quand dans les rues, quand dans certaines rues, on ne voit plus que des femmes voilées... Mais on en parlait tout à l'heure, il y a les voiles, il y a le halal, il y a l'école, il y a tout ça. Tout ça, c'est du grand remplacement civilisationnel. Je résume quand même pour les gens qui sont un peu lents à comprendre comme moi. Il y a donc, ça ne veut pas dire évidemment que tous les bébés sont malades, mais ça veut dire que classe d'âge de bébés, on en dépiste, enfin, on fait le test sur plus d'un tiers, ce qui implique que plus d'un tiers est d'origine non européenne. Absolument. Et en Île-de-France, vous dites, c'est les deux tiers. Les deux tiers. Donc, on n'a pas... Il y a les courbes. C'est des statistiques médicales. C'est rien. Et ça permet, c'est ça qui est intéressant, ça permet de contourner l'interdiction de statistiques techniques. C'est une donnée que personne ne peut contredire. Alors, il y a la parade. Le système a trouvé la parade. À terme, on dépistera tout le monde. Même ceux qui n'ont absolument aucune raison d'être dépistés. Oui, mais alors là, les médecins ont crié, ils n'étaient pas d'accord. Les médecins, malgré tout, c'est pas dans leur logique faire des dépistages inutiles et donc des dépistages coûteux, même si je crois que le test n'est pas très coûteux. Mais le politiquement correct finira par l'emporter. Hein. Enfin, en attendant la grande renverse. Oui, sur laquelle on finira. On n'a plus qu'une demi-heure, il faut aller très vite. Je vous rappelle que vous êtes avec Martin Pelletier pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Je reçois ce soir Jean-Yves Le Gallou pour son livre Somme, Immigration, la catastrophe, que faire. Je dis Somme parce que on trouve tout dedans. C'est-à-dire un peu déprimant parce que quelle que soit la page qu'on ouvre, il y a une catastrophe. Hein, c'est clair. Sauf pour les réponses. Martin, à partir de la page 350, il y a quelques... Voilà. Il faut tenir jusqu'à page 350. Alors, peut-être quand même, parmi les catastrophes, ou plutôt, je dirais, vous avez une deuxième partie qui s'appelle la grande trahison, qui est très intéressante. On ne peut pas tout dire, donc on va passer sur le fait que la superclasse mondiale et le grand patronat ont encouragé l'immigration. Ça a été dit 50 fois. Vous le reprenez, vous le synthétisez de façon très, très convaincante et très précise. Mais je suis plus intéressé, s'il faut choisir, par la façon dont, finalement, tout l'appareil d'État trahit la nation dans cette affaire-là. Et il y a deux choses que je voudrais que vous mettiez bien en évidence, c'est ce qu'on peut appeler le coup d'État des juges. Oui. Vous le dites. Oui. Et ensuite, je dirais le mensonge d'État systématique. Moi, j'utilise le terme mensonge. Je n'ai peut-être pas le bon mensonge, mais c'est quand même pas le terme, bon terme, mais pour moi, c'est un mensonge. Alors, on va commencer par le coup d'État des juges. Le coup d'État des juges, c'est-à-dire, on pourrait penser que dans un pays démocratique, c'est le peuple qui fait la loi. Soit directement par le référendum, ce n'est pas le cas, soit indirectement par ses représentants élus. C'est-à-dire, on pourrait penser que la loi est faite par les députés, les sénateurs, sur proposition, sur projet du gouvernement. Ce n'est absolument pas le cas en matière d'immigration. En matière d'immigration, 90% de la législation vient de la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, au-dessus du Conseil constitutionnel, au-dessus du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, encore une fois, sur cette question si importante, ouais. La loi n'est pas faite par les élus. Non, si vous voulez, moi je prends un exemple, si vous voulez, avec Guéant. Guéant, dernier ministre de l'Intérieur de Sarkozy, a tenté de limiter l'immigration. Bon. Et il a fait, moi je tends à penser qu'il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'alors qu'il rentrait 200 000 personnes régulièrement avant lui, l'année où il a eu son impérium, il en est rentré 190 000. Et il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Dans ce cadre, bien sûr. Parce que dès que vous voulez faire une loi, le ministre ou le député qui veut faire une loi, vous dit « Ah oui, mais attention, monsieur le ministre, monsieur le député, là, vous avez la jurisprudence 42 du Conseil constitutionnel ou la jurisprudence 43 de la Cour européenne des droits de l'homme qui vous dit que ça n'est pas possible. » Et le pire, c'est la régie qui dit ça. En fait, qui fait la loi en France sur l'immigration depuis 40 ans. Alors la Régistie, il y a plusieurs Régisties. Le premier, c'est la Régistie de 1978 qui rétablit le regroupement familial que le gouvernement Bonnet, ministre de l'Intérieur, voulait limiter. C'est le premier coup d'État, en quelque sorte. Et donc, qui a fait la loi sur l'immigration depuis 40 ans? C'est des conseillers d'État. Et je cite dans le livre, alors le conseiller d'État, soit comme conseiller d'État, soit comme secrétaire général du Conseil constitutionnel, soit comme membre ou président de la Cour de la Cour européenne des droits de l'homme, donc à tous les niveaux. Quand on dit conseiller d'État, il faut dire aussi de les maîtres de requête, etc. Bien sûr. Tout le corps. Où ces gars-là habitent. Ah oui, ça c'est rigolo. Alors, ces gars-là habitent dans des coins où il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Alors j'en ai quand même trouvé un ou deux, je crois. Oui, il y en a un qui habite en Seine-Saint-Denis. Enfin bon, à Rincy, au Rincy quand même. Bon, voilà. Non, il y en a un qui est vraiment dans un coin qui m'a étonné. Oui, Sevran, oui. Oui, ouais, et puis qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je ne sais pas, faudrait enquêter. Alors c'est dommage. Enfin si, vous avez, bien sûr, ça aurait été répugnant de donner les adresses. Non, il n'y a pas l'adresse. Bien sûr, il n'y a pas l'adresse. Et le téléphone. Non, il pourrait y avoir l'adresse. Mais quand même, il y a. Il y a les arrondissements et ça suffit pour faire quand rire. Même, voilà, hein. Il suffit de... Alors là, voilà. Ces gens-là nous donnent des leçons. Ils aiment bien les immigrés... Mais de loin. Pour les autres, voilà. Et je pense que si on regardait les écoles où étaient scolarisés leurs gosses, on ne serait pas déçus du voyage. Ce sont des pitres, des pitres, il n'y a pas d'autre mot. Oui, qu'est-ce qu'on disait avant? Oui, le coup d'État, c'est vrai, le coup d'État des juges. C'est les juges... Alors, il y a aussi le coup d'État des juges judiciaires. Il y a le coup d'État des juges administratifs. Je ne sais pas si vous avez vu dans le coup d'État des juges, il y a eu quand le gouvernement a décidé d'évacuer une partie de la jungle de Calais. Oui. Alors il y a une décision prise par le préfet, en l'occurrence une préfète, enfin on dit un préfet, sur Radio Courtoisie, et aussitôt les associations ont déféré au tribunal administratif. Et en référé immédiat, etc. Et on a vu la juge se balader avec 200 caméras autour d'elle. Et donc, le pouvoir appartient finalement à la juge. Oui. Bon, qui n'a aucun mandat électif de quoi que ce soit. Le préfet, il reçoit quand même les ordres d'un gouvernement qui lui-même les reçoit d'un président qui a été élu et qui est contrôlé par un parlement qui est élu. Le juge, pas du tout. Et donc, elle s'est baladée. Et puis, elle a rendu une décision où elle a autorisé, ce qui veut dire qu'elle aurait pu interdire, le démantèlement de la jungle, mais pas les objets lieux de vie. Et donc un truc impossible à appliquer. Une usine à gaz, alors, comme toujours. Et donc là, c'est un petit juge administratif. Mais les juges judiciaires aussi. Puisque les juges judiciaires, ils ont eu notamment à appliquer, c'est vrai qu'on est sur le journal de la liberté surveillée, c'est surveillé. Ça. Ils ont eu à appliquer la loi Pleven, la loi Pleven-Guesso. Doucement. Et ils ont eu à appliquer la loi qui limite la liberté d'expression pour tout ce qui peut être considéré comme du racisme, de la discrimination, etc. La règle en matière pénale, c'est qu'une loi pénale doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Or, ils n'ont pas fait une interprétation stricte de la loi Pleven. Ils ont fait une interprétation extensive. En tout cas, en première instance, en tout cas, en appel, la cassation a parfois... Elle revient en droit, corrigé, souvent, oui, parce qu'elle juge en droit, quand même. Mais le mal est fait avant. Et la cassation a laissé quand même passer beaucoup de choses. Bon, et donc, là aussi, on a eu un coup d'état des juges contre la liberté d'expression. Et alors, on dit des fois, quand on critique les juges, mais vous critiquez la liberté, et quand vous critiquez la Convention européenne des droits de l'homme... jusqu'où va-t-on ? Mais pas du tout. La Convention européenne des droits de l'homme et les juges n'ont rien protégé ce bien fondamental qui est la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme, quand elle a été saisie sur les questions type loi Guesso, etc., loi Pleven-Guesso, elle a toujours laissé filer la répression. Au nom du principe, la liberté d'expression est garantie dans les limites de la loi et de l'ordre public. Et comme mes mauvaises pensées sont en dehors de la loi et de la République, terminé. Voilà. Donc, la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ne protègent pas nos libertés. Par contre, ils ont protégé, ils ont créé le droit à l'invasion. Voilà. Par toute une série de dispositifs. Et je crois que, évidemment, il y a un coup d'état des juges. Et par conséquent, il n'y aura de changement véritable que quand le pouvoir repassera au peuple. C'est-à-dire. Je pense que le pouvoir doit repasser au peuple par la voie du référendum. Et cela, si je vous comprends bien, cela implique un recadrage complet d'organes comme le Conseil constitutionnel qui retoque tout ce qu'il veut avec une interprétation extensive des préambules de la Constitution. Le problème, tous ces organes. Que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme, ils interprètent des textes généraux. C'est-à-dire que les principes, les préambules de la Constitution ou même la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention internationale des droits de l'enfant sont des textes généraux. Et ils font, avec l'appui des médias, une interprétation politiquement correcte des textes généraux. Donc une interprétation politiquement correcte des textes généraux, c'est on limite la liberté d'expression de ceux qui pensent mal. Parce que comme ils pensent mal, ce n'est pas politiquement correct. Et par contre, on permet le droit à l'invasion parce que simplement. Pour le regroupement familial, c'est typique. La Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que l'unité de la famille est un droit à une vie familiale normale. La famille a droit à une vie familiale normale. L'enfant a droit à une vie familiale normale. Mais la vie familiale normale, elle peut avoir lieu dans le pays d'origine, pas forcément... En dans le pays d'accueil. Et donc, on a décidé, je crois que c'est en 1978, que c'était dans le pays d'accueil. C'est purement, purement arbitraire. Donc vous êtes... Et on nous dit c'est du droit. Pas du tout. C'est du droit mou. C'est de l'interprétation politiquement correcte de textes généraux. Quand la jugesse c'est pas mal, jugesse. Jugesse, voilà. Il y a des auditeurs qui vont râler en disant... Si elle est petite, on dit une juginette. Le galou dit jugesse, il devrait dire le juge, ou madame le magistrat, sans doute, madame le magistrat administratif, décide qu'on peut démanteler la jungle de Calais à condition de ne pas toucher, entre guillemets, au lieu de vie. Elle a trouvé ça où ? Elle a trouvé ça nulle part. Non. C'est son interprétation. C'est ça. Elle. On est dans une espèce d'interprétation elle, délirante tout dire. Le temps. Je savais qu'on aurait une interprétation délirante. Quand la fille s'est baladée avec 20 caméras et 40 appareils photo derrière elle, on voit très bien quel était le sens qu'elle pouvait donner à sa décision. Et vous donnez alors un exemple, mon ami, il faut aussi s'approcher des solutions. Vous donnez un exemple. Très fort sur la préférence nationale dont il a été prouvé par Mioz, parce qu'il faut citer qu'elle était tout à fait conforme à la Constitution, contrairement à ce que tout le monde raconte. La préférence, elle est conforme à la Constitution, elle est surtout conforme à l'esprit et à la pratique constante de la République française. Ça, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose de très fort. D'abord, c'est constitutif de la République française, puisque le droit de vote est accordé aux citoyens français. Alors, il y a une petite extension pour les élections locales et les élections européennes aux ressortissants de l'Union européenne. Mais le droit de vote est en principe réservé aux ressortissants français. Donc, c'est un principe absolument constitutionnel. Je dois dire d'ailleurs, et ça, c'est la découverte de Mioz, Mioz a découvert que dans les textes de René Cassin, René Cassin, qui est rentré au Panthéon quand même. C'est, un immense juriste de gauche. Un immense juriste de gauche qui a été le fondateur, enfin l'un des fondateurs de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été le premier président, je crois, de la Cour européenne des droits absolument. De l'homme. Absolument. Donc une autorité morale tout à fait incontestable. Il considérait que ce n'était pas incompatible avec la discrimination nationale, n'était pas du tout incompatible avec ses principes. Il considérait cela dans les années 1950-1960. Voilà. Et maintenant, alors on considère que c'est l'abomination de la désolation. Et tous ces types qui sont tous des perroquets, c'est vrai des gens de médias, c'est vrai aussi malheureusement de beaucoup d'hommes politiques qui considèrent qu'au fond c'est plus confortable, ils cherchent pas trop à savoir où est la vérité. Ils ne reviennent jamais au texte. Il faudrait travailler déjà, oui, donc c'est fatigant. Et en plus c'est fatigant et c'est dangereux, parce que dès que vous écartez de la doxa médiatique, eh bien c'est difficile, vous êtes combattu. Et donc, c'est quand même plus facile de dire que, voilà, et de faire des débats sur des sujets qui n'en sont pas. Alors, on avait promis de parler d'un deuxième sujet parmi ce que vous appelez la grande trahison. Le rôle de la statistique en France, l'INSEE, par exemple. Il y a une chose qui est tout à fait nocive, c'est quand on parle d'immigration, on parle uniquement en termes de solde migratoire. Mais c'est une des choses que vous dites. Il y a des gens qui rentrent et il y a des gens qui sortent. Ce ne sont pas les mêmes. Bah, et le solde de mesure... On apprenait généralement, je ne sais pas moi, en CE2 peut-être, ou en CE1, je ne sais pas. Maintenant, ça doit être en mathélem. Maintenant, c'est peut-être même à Polytechnique, je ne sais pas, qu'on n'additionnait pas des pommes et des poires. Voilà, en principe, non. Et donc, le système du solde migratoire consiste à dire il y a 300 000 étrangers qui rentrent, il y a 120 000 Français qui sortent. Ah bah finalement, le solde migratoire, c'est 180 000. Bon. Et en fait, c'est pas ça, parce que comme on sous-estime le nombre des entrées, on vous explique que le solde migratoire, finalement, c'est pas bien élevé. Simplement, on compte de manière équivalente l'étranger qui entre, souvent en venant d'aires civilisationnelles radicalement différentes, sinon opposées de la nôtre, Afrique noire, monde arabe musulman, et le français qui part parce qu'il n'en peut plus, quoi. Voilà. Et donc, on a véritablement, si on voulait résumer... Les cerveaux sortent si voulait, et les boulets rentrent. Les bac plus 8 sortent, les bac moins 8 rentrent, voilà. C'est pareil, on nous a dit que, entre guillemets, les migrants, ils étaient tous docteurs en médecine, chercheurs, archéologues, que sais-je encore, ingénieurs. Les Einstein et les Mozart. En fait, on a des statistiques, je crois que c'est aux Pays-Bas, enfin, je dis ça sous information à vérifier, où 20% sont illettrés. Seulement ? Bah oui, mais illettrés. Même pour moi, c'est une bonne nouvelle, bon, voyez-vous. Voilà. Mais oui, il faut être optimiste, Jean-Yves. Bon, très bien, très bien. Alors, pour aller très vite, parce qu'il est déjà numéro, il est 7h10. Oui, vous avez le chapitre 27 que vous avez titré « Les grands organes de dissimulation statistique et leurs 8 mensonges ». Alors, je les liste. Ces mensonges sont « La population étrangère est stable, la population immigrée est stable, le nombre de titres de séjour en cours de validité est stable, l'immigration pour motif familial est réduite, les étudiants étrangers participent du rayonnement de la France, le solde migratoire est modeste, les naturalisations concernent peu de personnes par an ». Et la fécondité française est forte. Alors tout ça, c'est faux ? Ben, tout ça, est, dans la fécondité française qui est forte, on cumule aussi les pommes et les poires. Et la fécondité française, pardon, est extrêmement différenciée entre les populations de souche européenne, qui ont des taux de fécondité assez faibles, hein, de 1,4 ou 1,5 enfants par femme, et les populations venues d'ailleurs, du monde arabo-musulman, où là on est nettement au-dessus de 2, et les populations venues du monde africain noir, où là, on est autour de 4, voilà. Donc, oui, donc c'est écarts, un type de mensonge statistique. Ce qu'on trouve, évidemment, ce qui explique qu'on trouve dans les maternités... Les 36% de naissances dont vous parliez. Dont je parlais. Et pour tous les autres mensonges, l'INSEE pratique le même type de... Si vous voulez, c'est l'art de dissimuler la vérité avec des chiffres qui sont pas faux, mais qui sont présentés de manière totalement biaisée. Il y a Madame Tribala qui a fait un certain nombre d'études aussi sur ce sujet. Michèle Tribala qui est une dissidente de l'INSEE. Une dissidente de l'INED, par contre. De l'INED, qui est quand même qui est intéressante, même si elle pense pas toujours bien. Sa première mission a été de... Je crois qu'elle a découvert comme ça le problème de l'immigration. Puis sa première mission était de décortiquer, de démonter la fausseté du rapport de Mioz sur le coût de l'immigration. Elle a mis plusieurs années à le publier et je pense que c'est ce qui a contribué à lui ouvrir les yeux sur l'immigration. Son dernier livre, dont on se souvient maintenant, c'est Les yeux grands fermés. Il faut savoir, parce que ça c'est intéressant, le dernier livre de Mme Tribala, c'est Les yeux grands fermés. Il faut savoir que le Front National, qui a eu beaucoup de procès, ne s'est pas vu interdire d'affiches. Sauf une. Une affiche de 1990 ou 1991 qui montrait les yeux d'une jeune femme avec « Immigration, ouvrez les yeux ». Et cette affiche a été interdite. Cette affiche a été interdite au motif que elle copiait, paraît-il, une affiche de France 3, de la chaîne de télévision France 3, alors que les yeux... de la jeune femme, étaient les yeux d'une conseillère régionale. Ah, je me souviens, mais voilà. On a interdit une affiche. On a interdit une affiche parce que on disait « Immigration, ouvrez les yeux ». Donc, vous voyez, et alors, on va être complet. L'un des juges qui a rendu cette décision a fait une carrière absolument fabuleuse puisqu'il a fini... président de la Cour de cassation, beau poste, membre du Conseil constitutionnel, joli gage, et il vient d'être élevé dans la promotion de Pâques au rang le plus élevé, ou juste avant le rang le plus élevé, mais enfin le rang très très élevé, dans l'ordre de la Légion d'honneur. République s'est récompensée. Mais exactement, c'est une belle histoire qu'il faut raconter aux enfants. C'est très très bien. Bon, alors, oui, je recommande vraiment la lecture, non seulement du livre, mais de cette analyse du mensonge avec des chiffres justes. Hein, ils sont exacts. Oui, c'est le mensonge avec des chiffres justes, voilà. Mais biaisés. Mais biaisés, complètement, c'est les raisonnements. Et alors, évidemment, il y a le biais, si vous voulez, il y a le double biais. Il y a l'étude de l'INED, qui apporte des nuances. Et il y a ensuite le communiqué qui... oriente sur ce qu'il faut dire. Et il y a la dépêche AFP qui suroriente le communiqué de l'INED et qui est ensuite recopié par tous les médias, les meilleurs des journalistes, rajoutant des fautes d'orthographe au communiqué de l'AFP. C'est pas gentil pour nous, ça, Jean-Yves. Mais c'est vrai que, bon, ça aussi, ça fait partie d'autres chapitres qui sont tous passionnants. C'est le petit coup de pouce à la fois des médias et de la publicité en faveur de l'invasion. Tiens, tenez, un auditeur nous donne une citation de 1791 de Danton, que j'ignorais, qui est très jolie. « Pour faire un coup d'État, les imbéciles appellent les généraux, les gens intelligents appellent les juges. » Eh bien, je ne savais pas, mais c'est... C'est Danton qui a dit ça. Voilà. Eh bien, on a des auditeurs... Je ne sais pas, c'est très bien ça, vu. Ça, c'est formidable. Si l'auditeur peut nous donner la référence, ça, c'est vraiment très, très bon. Écoutez, on a plus qu'un quart d'heure, on ne peut pas lire tout. Le juge et non la juge, on le sait, on dit la juginette ou la jugesse pour ne pas dire le... Oui. Alors, on va positiver dans le dernier quart d'heure qui nous reste. Hein. Et je crois d'ailleurs que c'est pas toujours inintéressant de dire, notamment s'agissant du corps judiciaire, qui est un corps très féminisé, de préciser les choses. Oui. Voilà. Il y a même un auditeur que je n'ai pas cité qui disait des choses scandaleuses sur les juges, précisément. Si elle favorisait l'immigration, c'était pour des raisons X et Y. Oui. Je ne répéterai pas. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préconisez vraiment pour s'en sortir? Que faire? C'est un changement radical. D'abord, il faut briser les tabous. Il faut dire les choses. Par exemple, il faut dire que l'assimilation, c'est terminé, sauf pour un tout petit nombre d'individus, bien sûr. Ça, c'est la phrase de De Gaulle. Alors, il peut y avoir des individus, sûr, mais la sûr, France est sûr, de blanche européenne et chrétienne. Il faut ne pas avoir peur des choses. Il y a des différences de culture, il y a des différences de religion, il y a des différences de civilisation. Elles ne sont pas solubles. Il faut aussi ne plus accepter, c'est peut-être ce qui est absolument essentiel, ne plus accepter la repentance. Ce n'est quand même pas un hasard si c'est l'Allemagne qui pousse, le gouvernement allemand en tout cas, qui pousse à accueillir des millions d'envahisseurs, parce que c'est une culpabilisation terrible. Énorme. Une culpabilisation qui a commencé par l'Allemagne, qui s'est étendue à l'ensemble des pays européens et qui vise à la fois l'effet de la Seconde Guerre mondiale, l'effet de la colonisation, l'effet de l'esclavage. Il faut sortir de la repentance pour aller vers la fierté. Et puis, il faut changer tout notre appareil constitutionnel. Nous avons aujourd'hui, par l'interprétation, je l'ai dit, des textes généraux et des textes type Convention européenne des droits de l'homme, préambule de la Constitution, une interprétation qui vise à donner des droits absolus à tout individu entré en France. Il faut aujourd'hui rééquilibrer cela et donner des droits au peuple à défendre son identité. Il faut que la législation sur l'immigration, elle cesse d'être faite par les juges, elle soit faite par le peuple, par référendum. Voilà, il faut des changements radicaux. De même, il doit y avoir, entre les peuples et les civilisations, réciprocité. Pourquoi construire des mosquées, accepter de construire des mosquées en Europe, alors qu'il est interdit de construire des églises dans un certain nombre de pays musulmans et que dans d'autres, les minorités chrétiennes sont persécutées? Il faut changer complètement les perspectives. Parce que si on ne change pas complètement les perspectives, encore une fois, ce n'est pas des ajustements à l'alinéa 15, article 12 de la loi sur le séjour en France qui changera quoi que ce soit. Il faut un changement de perspective, effectivement un changement de pouvoir. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir qui a été accaparé par les juges. Donc quand on parle des juges très précisément, ça veut dire changer les compétences du Conseil constitutionnel, changer les compétences d'habitude du Conseil d'État. Oui, absolument, absolument. Avoir au fond, là de ce point de vue-là, c'est là où il peut y avoir un bon usage du discours souverainiste, souveraineté nationale, donc primat du droit national sur le droit international et a fortiori l'interprétation politiquement correcte du donc, droit modification de la Constitution donc, et notamment de l'article 55 qui donne la priorité de la Constitution. Bon, ça c'est là. Tout ça par voie de référendum et souveraineté populaire, parce que tout ça ne peut se faire que par référendum. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une foule de forces favorables à l'immigration. Il y a les médias, il y a les pubards, il y a les patrons. Bon, qu'est-ce qui est hostile? Qu'est-ce qui est hostile? Bah, le peuple. Le peuple, parce que à la fois, il sent que ça met en cause l'identité française dans sa continuité, et puis parce que ça lui pourrit l'existence aussi. Il y a les deux aspects. Ça le ruine aussi, ça le ruine, pourrit l'existence. Voilà. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus. Ceci étant, c'est pas facile, parce que quand vous regardez la Suisse, qui est un pays qui pratique la démocratie directe avec des votations. Les Suisses ont voté plusieurs fois des textes extrêmement restrictifs sur l'immigration, l'ensemble du peuple suisse. C'est-à-dire la majorité des cantons, la majorité du peuple, parfois même la totalité des cantons, et le gouvernement fédéral refuse de l'appliquer en disant « Ah ben non, je ne peux pas parce que... » voilà, c'est autre chose. Et reprend d'autres... La dernière votation est très intéressante parce qu'elle a été formulée de telle façon qu'elle a été rejetée. Oui, absolument. Et c'est très intéressant, la dernière votation, puisqu'elle visait à limiter le pouvoir des juges, précisément. Oui, précisément. Voilà. Alors, si vous voulez, je crois aussi... qu'il n'y aura de changement, je ne crois pas au changement dans un seul pays. il n'y aura pas l'identité dans un seul pays, où il n'y aura pas la souveraineté dans un seul pays, où il n'y aura pas l'arrêt de l'immigration dans un seul pays. Je crois que paradoxalement, l'Union européenne, elle a fait un mal terrible à l'idée d'Europe, mais paradoxalement, l'invasion migratoire fait prendre conscience aux Européens qu'ils ont quelque chose en commun. Un patrimoine commun. Un patrimoine commun, très différent des gens qui arrivent. Et on le voit d'ailleurs avec des pays finalement très nationalistes qui en prennent conscience, comme la Hongrie, ou comme les pays du groupe de Visegrad à l'est de l'Europe. Mmh. Ou même, j'étais très frappé, que les Anglais de l'English Defence League, donc on imagine quand même des types très british, quoi, ils ont participé à une manifestation européenne avec Pegida le 6 février dernier. Donc il y a une prise de conscience européenne. Et si je regarde en France, Paul Emia a fait une vidéo « Être français ». Une assez belle vidéo, 3 minutes et demie. J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vue à aller la voir. Je signale que Paul Emia est présidé par vous. Bon. Mais bon, cette vidéo a été vue 1 100 000 fois. 1 million ? 1 ah million oui. 100 000 fois. 1 million 100 000 fois. Compte YouTube, hein, c'est pas trafiqué. Ah oui. L'Institut Iliade a fait une vidéo Être européen. Quand l'Institut Iliade a fait la vidéo Être européen, tout le monde disait. L'Europe, ça marche pas, ça fera 4 fois moins, 5 fois moins, 10 fois moins qu'être français. Mmh. Mmh. 2 300 000 fois, deux fois plus. Parce que les gens sentent que leur identité la plus profonde, c'est l'identité européenne. L'identité européenne d'expression française, dans notre cas, d'expression allemande de l'autre côté du Rhin, d'expression anglaise de l'autre côté de la Manche. Donc il y a un sentiment européen. Voilà. Un sentiment de civilisation européenne. C'est d'ailleurs le thème du colloque de l'Iliade qui aura lieu le 9 avril, le samedi 9 avril, à la Maison de la Chimie, sur le thème « Face à l'assaut migratoire, le réveil de la civilisation européenne ». Et la matinée sera consacrée effectivement à l'assaut migratoire, avec notamment une intervention de Lugan qui montrera que le phénomène que nous connaissons aujourd'hui n'a aucun précédent dans l'histoire. Oui. Et puis une intervention. Ça, vous le dites très bien. Dans aussi la présence de Raspail. Et l'après-midi sera consacré aux réponses, et notamment au thème de la fierté face à la repentance, que traitera Renaud Camus, mais aussi le thème de la préférence de civilisation. Voilà, c'est ça. Vous terminez sur la... Je serai amené à traiter. Voilà. C'est votre réponse actuelle. C'est ma réponse actuelle. La préférence nationale, c'est bien. La souveraineté nationale, c'est bien. Il faut compléter tout ça de la préférence de civilisation. C'est-à-dire que c'est tout à fait cohérent. La France, c'est toujours beaucoup plus que la France. La civilisation permet de fonder la préférence nationale, en quelque sorte. Alors, écoutez, il va falloir qu'on termine. On m'a dit 2 minutes maintenant. Je peux peut-être faire un petit passage de publicité. Allez-y, voilà. Pendant que je lis des dernières choses. Allez-y. Alors, faites votre pub. Le livre se trouve en librairie. Je ne peux pas garantir qu'il est en pile à la FNAC. Je le regrette, mais il est disponible en librairie. Il est disponible dans les bonnes librairies. On peut aussi le commander sur Internet, sur le site polemia.com, il y a une boutique assez facile. On peut le commander sur Internet, sur Amazon aussi, où il fait partie des bonnes ventes, des très bonnes ventes. Voilà, plusieurs possibilités. On peut aussi, si on est réfractaire à Internet et qu'on a un libraire particulièrement manchot, on peut envoyer un chèque de 23 € à Polemia, 60 Terre rue Jean-Jacques Rousseau, Polemia 60 Terre rue Jean-Jacques Rousseau, 23 €, et on a aussi le bouquin. Voilà. Mais il y a le site Polemia, il y a éventuellement Amazon, et puis il y a les librairies, vous pouvez le commander chez votre libraire, ou aller l'acheter à Notre-Dame de France, ou chez Duquesne, ou autre, si vous êtes à Paris. Je le dédicacerai samedi de 15 h à 18 h à la librairie Notre-Dame de France, rue Galande. Je le dédicacerai. Répétez-le, parce que. Je le dédicacerai samedi prochain, je crois que c'est le 2 avril, oui. De 15 h à 18 h à la librairie de Notre-Dame de France, rue Galande. Et je le dédicacerai aussi au colloque de l'Iliade, le 9 avril, à la Maison de la Chimie. Pour le colloque de l'Iliade, il est recommandé de s'inscrire sur le site par WizEvent. Alors, il y a une foultitude de félicitations. On ne va pas les lire toutes, sinon vous allez être attrapé la grosse tête. On me dit que les bailleurs sociaux ne sont jamais évoqués dans le débat. C'est faux, vous le faites très bien. Mais j'ai choisi, dans les 5000 thèmes, de ne pas en parler. Et enfin, monsieur Le Gallou, vous êtes formidable. Pourquoi ne vous présentez-vous pas comme président de la République? Ah oui, non, il reste 20 secondes pour répondre à cette question. Et on est sur Radio Courtoisie. Oui. The answer is no. Bon. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout de cette interview. Merci Jean-Yves et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Je crois qu'on n'a pas pu répondre à tout parce que le livre est vraiment une somme. Je conseille de le lire vraiment. Je l'ai lu moi-même et on n'est pas déçu par un livre de ce type. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, que je recevais pour le libre journal de la Liberté Surveillée, Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir Jean-Yves.